Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Gauthé à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Pour ces deux heures avec la nouveauté rock progressif, le nouveau rock progressif, il y a tellement de bonne musique et de partout à travers le monde. On va débuter ce soir avec un petit spécial italien pour la première demi-heure, ça vous étonnera pas trop. Bruno, il rit, là. Alors, pour les amateurs de rock progressif italien, vous connaissez la Maschera di Cera? Eh bien, ils seront en spectacle dans le cadre de la 10e convention Terra Incognita, donc les 16, 17 et 18 mai prochains. En fait, eux, ils sont là le 18 mai pour la clôture donc de ces trois jours de festival, de festivités avec le meilleur du rock progressif. Alors, Fabio Sufanti, qui est derrière la Maschera di Cera, a pas mal une bonne feuille de route à son actif avec le groupe Finistère. Il y a eu 7 albums. Ossanathène, 7 albums. Finistère, 5 albums. Puis 5 albums aussi avec la Maschera di Cera. Et donc, cette année, ils ont fait paraître, ou en 2013, fait paraître la Porte del Domani, qui est inspirée donc d'un disque du groupe légendaire italien Les Ormes, Ferona e Serona, et puis c'est pour rendre hommage à cet album-là qu'ils ont réalisé, donc La Porte del Domani. Parlant de la convention, c'est au Centre d'Art La Chapelle, les billets sont en vente, et le samedi, il y a Glasshammer des États-Unis, leur première visite au Canada, il y a également Shadow Circus, et le vendredi, il y a le groupe Is qui vient nous présenter leur nouvel album, et ils auront ça disponible également. Il y aura également Sonus Umbra qui sera là le dimanche, et il reste encore deux groupes à annoncer. Alors, procurez-vous vos billets. Et on aura donc une pièce de la Maschera di Cera intitulée « Alle Porte del Domani ». On aura également le groupe The Watch qui seront en concert donc au Centre d'Art La Chapelle également, les 3 et 4 avril pour un spectacle en hommage à Genesis Seconds Out, et également le 5 avril pour nous présenter des pièces de The Watch, Place the Watch, et de leur nouvel album Tracks from the Alps. On aura la pièce que je la trouve. Oui, c'est ça. On aura la pièce de Cheating Mountain, donc de cet album qui devrait paraître en février. Donc, Tracks from the Alps, le nouveau, donc The Watch des États-Unis. Eux, ils chantent en anglais. Et pour débuter l'émission, Taproban, c'est un groupe italien également qui a été formé à Rome en 96, et c'est leur quatrième album donc depuis 2002, et intitulé Strigma, un album composé de trois pièces très très très bon. On aura la pièce La Porte nel Buio pour débuter l'émission ce soir du groupe Taproban. Alors on y va tout de suite avec Taproban, ensuite The Watch et La Maschera di Cera. Thank you. stuff I learned. Welcome, my old friend. Let us gaze again. Look, we at night, shutting out the pain. It will be alright, the first drop of rain. Watch it come, return all we are to the sky. Speed the signs of the world, trials like time. Down to crawl, seals ashore, bracing for the fall. Fingers let go, hesitation will seal your fate. Open skies, fatigue lies passes by. Outlines cast her eyes, death is we'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pourquoi La Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands. La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. CKRL HD. Une radio haute décibels. De retour avec Bruno et Marc, c'était la première demi-heure de l'émission Terra Incognita. J'espère que vous avez aimé ces musiques provenant de l'Italie. On a terminé avec La Maschera di Cera, dont on pourra entendre des pièces là à la convention Terra Incognita 2014. Et je le répète, les 16, 17 et 18 mai prochains au Centre d'art La Chapelle, procurez-vous vos billets. Donc Fabio Zuffanti sera là avec des musiciens sélectionnés, des musiciens hors pair pour nous présenter donc ces 20 ans d'expérience en musique avec des extraits donc de disques de Finistère, La Maschera di Cera et Ostsonaten, et également de Zuffanti, dont on a entendu des pièces la semaine dernière et le mois dernier à l'émission en primeur, en grande primeur. C'est un album donc qui vient tout juste de paraître, Zuffanti, et ça va être excellent. Et bon, il y avait également donc dans l'italien, dans notre bloc, on avait Taproba qui avait débuté le bloc, donc tiré de leur album Stringma, leur plus récent, La Porte nel Buio. Et il y avait également The Watch qui seront en concert donc les 3, 4 et 5 avril au Centre d'art La Chapelle. Parlant de concert, ben, il y a pas mal de choses qui s'en viennent à Québec. Il y a le groupe Yes, un groupe légendaire qui sera là au Théâtre Capitole le 31 mars 2014 pour nous présenter l'intégrale de 3 albums classiques de Yes Album. Close to the Edge et Going for the One. Il y a également le groupe Transatlantique qui est là le 5 février au Capitole avec évidemment Neil Morse, Mike Portnoy, Pete Travellas, Ryan Stolt, et pour nous présenter leur nouveau disque Kaleidoscope. On est bien hâte d'entendre ça aussi. Plusieurs concerts. Il y a aussi The Security Project, qui est un peu un projet parallèle, si on veut, qui touche le progressif avec la période 77 à 83 de Peter Gabriel. C'est au Palais Montcalm le 8 mars. Alors, on y va en musique. On va terminer notre bloc italien avec Scherani, un deuxième extrait de son nouvel album. Scherani, c'est le claviériste de La Coscienza di Zeno, également de Ostsonaten. On reste pas mal dans les mêmes eaux. Et c'est tiré de son album Everybody's Waiting, la pièce Brevi Momenti di Lucidita. Un bref moment de lucidité pour Scherani. Et ensuite, on va aller faire un tour du côté des Pays-Bas avec Chris. Chris, qui est le guitariste de Sky Architect, mais également qui fait une carrière solo. Son quatrième album, Days of Summer Gone, excellent. Alors, on aura la pièce Heart's Endeavor. Et parlant de Pete Travellas, il y a Edison's Children qui vient de faire paraître son deuxième disque, Final Breath Before November. Il y a une très longue pièce sur ça, Silhouette, une pièce de 67 minutes. On en aura un extrait, donc, de ça. Mais tout de suite en musique avec Scherani. Thank you. velocità, troppi pensieri dentro l'anima, un tavolo ed un po' di compagnia, brevi momenti di lucidità. Chiuso qui, questa paura forse è solo mia. Eccoci, ancora uniti in questo brivido. Cose che non dici mai, e quando un attimo di gioventù ti sfiora, io vorrei portarti via. Trovo, sai, il tempo atteso per i giorni tuoi non è qui, questo momento di lucidità. Stringimi, riscopriremo un gesto, una poesia. Non dovrai la porta un altro brivido.

a winter's fire burning bright. Funny the things that you love for. Warming your soul in the night. Funny the things that you love for. Now I feel so cold aching in my bones. Just want a place to call home. And I will roam this nether world till I know that you're never alone. Bye.

pour des spectacles qu'il donnerait en septembre, probablement, aux États-Unis, certainement. Alors, peut-être même en Amérique du Sud. C'est à surveiller, donc, le nouveau King Crimson. Mais là, je vous parle du Sacre du Travail. Et c'est un album qui est vraiment progressif, avant-garde, si on veut. C'est un côté que Tillyson n'avait pas vraiment touché jusqu'à maintenant. Alors, c'est super intéressant. On écoutera un extrait de la pièce Afternoon Malaise. Mais tout d'abord, Curse Pink de la Norvège, leur super disque de retour après plusieurs années, presque 10 ans. Donc, de la Norvège, Mystic Spirit, on aura la pièce Mysterious Wood.

DJ, bit of humor, bit of music helps pass the time. News bulletin at 4 o'clock, so you know you're on the home stretch. But the minutes drag on your analog watch. Steve's like a car, you follow in the dark. He's your friend. We've got some time that we don't wanna spend. He's under no illusions, so he gives us a factoid or something to make the time go by. It ain't gonna be yours, there's no But he has a good try. All the factories and offices are playing the same tune, singing happy birthday to a man in Bodmin getting married soon. And if you're on the M25, you'd better run for your life, 'cause the act will be acting soon. And all the flyovers and tunnels that circle round the church to the soundtrack of an innocuous tune. Hey Steve, you're just like me, waiting for the war clock to set you free. We've got some time that we don't wanna spend with you. We're only here 'cause there's nothing else we can do. But Steve's gone, he's already in the car park. Left another cheerful Charlie in the hot seat to make the time go by. Listen while you drive. All the traffic news and the Tuesday blues. Join the drizzle and the rain. A million ants by the Dartford Tunnel. Wait to pay £2 again. And they'll take away the car and house and stick you on the streets unless you do this journey every day. On your tail again, and the Queen and Lisa lunch, and there's the gas and electricity to pay. Hey Steve, can I be like you? Everything seems laid back, radio too. We've got some time that we don't wanna spend with you. We're only here 'cause there's nothing else we can do. We've got some time that one for you.

Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Est-ce que tout est prêt maintenant? Est-ce que tout vous paraît normal? A demandé Houston à Armstrong. Réponse, oui. Les images arrivent, attention. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. C'est fait. Pied gauche. Pied de la surface, en effet, c'est le pied gauche. L'image n'est pas tout à fait. CKRLMF 89,1 à Québec. Il récupère à peu près deux pas sans lâcher les barreaux de l'échelle. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il a un peu tourné en rond sur cette échelle. Ce qui fait qu'à tout moment, au moindre chauffage, il peut toujours se rattraper. Enfin, c'est tout de même le premier pas. De retour avec Bruno et Marc après cette longue pièce tirée de l'album Le Sacre du Travail, The Rights of Work, donc du groupe de Tangent, et on a entendu la flûte sur ça de Théo Travis qui travaillait avec Gong pour une bonne partie dans les dernières années. Un album, comme vous avez pu le constater, qui est beaucoup dans la musique contemporaine mélangée avec le rock. Alors, pour les initiés et pour les vrais amateurs de rock progressif, je vous recommande Le Sacre du Travail de The Tangent. Pour le dernier bloc musical, on aura le groupe Argos. C'est un groupe de l'Allemagne. Ils ont fait paraître Cruel Symmetry l'an dernier. On écoutera la pièce Possessions. Et on aura également, pour débuter le dernier bloc, Flamborough-Head. C'est un groupe qui provient des Pays-Bas. Et Flamborough-Head ont fait paraître, c'est leur 7e album, oui. Il y a une très belle pièce instrumentale sur ça, leur plus récent album Lost in Time, la pièce Dancing Ledge. Alors on y va tout de suite en musique avec Flamborough-Head et Argos. No, it's true, I can't have you. Le groupe Argos, c'est des Allemands, ça fait drôle à dire, hein, parce que ça sonne vraiment, on pourrait dire, beatlesque un peu. C'était la pièce Possessions tirée de leur plus récent album Cruel Symmetry, et on avait eu également Flamborough Head des Pays-Bas, Lost in Time, leur plus récent album, et la pièce... c'était la pièce Dancing Ledge. C'est la seule pièce instrumentale sur cet album-là. C'est il y a le chant masculin et féminin. Et très bon disque, le dernier Flamborough Head. On va terminer l'émission en faisant également une transition avec l'émission de l'autoroute, avec un groupe qui vient tout juste de faire paraître leur second album. C'est tout chaud. Même si ça a été enregistré, en fait, en 2012... en Turquie, puisque c'est un groupe turc, il s'agit de Nemrud, vous l'aurez peut-être deviné, l'album Ritual, j'en ai fait jouer une pièce le mois dernier, mais franchement, c'est un album qui a été enregistré entièrement live, excusez-moi l'anglicisme, en studio avec des trucs analogues là, pour l'enregistrement, donc ça sonne vraiment album des années 70 et ça sonne vraiment Eloy aussi, et il y a un lien entre Eloy et Nemrud, le groupe turc, donc In My Mind sera la pièce qui terminera cette émission, cette édition du 18 janvier 2014 de Terra Incognita avec Bruno la mise en onde et Marc Chaunet également avec vous au choix musical et à l'animation. Alors on y va tout de suite avec Nemrud, on fait une transition ensuite avec l'autoroute et Jacques est là avec vous pour la nuit. Alors on y va tout de suite avec Nemrud.